270 jours dans le repos de la matrice. Une destinée insufflée dans l'éternelle institutrice. Voyager vers la vie dans tes entrailles. Insouciant du nouveau monde quand elle te pose sur les rails. Cuillère d'argent et nourriture dans la bouche. La peau du dos entre les gros lionceaux n'est plus farouche. Préserve du vinaigre et le remplace par le miel. Avant d'être social, ma couverture est maternelle. Adolescent gâté mais désobéissant, qui collectionne les mensonges, comportements avilissants. Je regrette tellement, j'espère te rembourser un jour. Quitte à sacrifier ma vie, faire mes excuses au grand jour. Mère couveuse, mère poule, mère solidaire. Mère à l'écoute, mère porteuse et mère autoritaire. Aucun adjectif n'est assez baraqué. Aussi vrai que le paradis, maman se trouve à tes pieds. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au pas trop féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. Il est plus facile qu'un homme de faire perdre l'honneur d'une femme. Un seul geste de travers et le monde entier la condamne. Petite sœur qui à l'école montre l'exemple, mais porte sur son dos les préjugés de son ensemble. Un truc qui daterait depuis la première femme, pour avoir encouragé à l'interdit l'homme et son âme. N'écoute pas cette erreur, petite sœur. Tu vaux bien plus que beaucoup d'hommes à la force de ton cœur. Évite les mauvais délires, les mauvais gens. Évite la mauvaise compagnie qui procure le mauvais sang. Emprunte le bon chemin, celui qui mène au bien. C'est là mes seuls conseils pour te sortir du chagrin. L'encouragement, le minimum que l'on puisse faire. Avec ton voile et ton droit de vote, il va falloir s'y faire. Et pour preuve que le malaise est sur ton nom, seulement 16 mesures déjà à court d'inspiration. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au pas trop féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine. Un seul vêtement épouse la forme de nos corps. Les bâtiments pour seul décor donnent des orphelins du cœur. La moitié pleine qui remplit la moitié vide. Qui nous secourt quand on a la tête dans le vide. On dit souvent qu'on a la femme que l'on mérite. Moi je crois bien l'avoir compris avant le jour de la mairie. Marier sa culture à une autre avant le gong. Les minarets de Médine dans le fleuve du Mekong. La tour Eiffel dans le lac rose vers Dakar. Les dunes du Sahara sur la place du Mont Gaillard. Le mélange est explosif lorsqu'il donne le fruit de nos entrailles, une petite fille, petit bonhomme. Préserve-moi, je préserverai ton nom. Sanctuaire de la vie et de la procréation. Et va savoir pourquoi tes sourires m'inspirent. La première lettre de mon nom comme le mot que je voudrais dire. Lorsque les mères enfantent les filles et les filles deviennent femmes, deviennent des sœurs, des demoiselles puis des dames. Au pas trop féminin et ce depuis les premiers âges. Et quel que soit leur nom, elles sont synonymes de courage. Le visage qui réconforte nos carcasses est loin du tracas, soulage des sarcasmes. Qui au moindre problème se jette dans l'arène. Combat de lionne, combat de princesse et de reine.